Le temps des couleurs est passé dans ton cœur. Le vent, un menteur, s'efface en douceur. Le chant d'un amant, douloureux, indécent. Il est déjà grand temps de chercher à s'entendre si fort. Couler contre ton corps. Le temps s'impatiente, je ne fais que d'attendre. Mon refuge est ton ventre, dans le creux de la fente. Le chant d'un amant, amour indécent. Il est déjà grand temps de chercher à s'étendre si fort. Couler contre ton corps. Si fort. Couler contre ton corps. Si fort. Couler contre ton corps. Si fort. Couler contre ton corps. J'ai le temps impatiente, je ne fais que d'attendre. Son refuge est ton ventre, dans le creux de la fente. Si fort.